Dans la deuxième partie, nous abordons le sujet de la sixième race. D'abord, dans certains écrits et même les vôtres, vous faites mention d'une race qui vient dans la fin de cycle et qui s'identifierait à la sixième race. J'aimerais, avant qu'on commence, que vous nous situiez qu'est-ce que veut dire une race. Est-ce qu'on parle d'une nation, d'un peuple, d'une époque, une race? Quand on parle de sixième race qui vient évidemment après la cinquième, qu'est-ce que ça établit comme fait ou comme phénomène? L'évolution de l'humanité, les fondations de l'humanité sont basées sur le principe racial. Une race, qu'est-ce que c'est? C'est une époque à l'intérieur de laquelle des corps physiques se multiplient, évoluent, pour en arriver éventuellement au terme de leur évolution, à donner à la Terre ou au globe ou à la civilisation un taux vibratoire supérieur. Donc une race, vue du point de vue cosmique, ce n'est pas nécessairement une race physique. Une race peut être aussi d'un ordre mental. Pendant l'évolution, les races ont été physiques, parce que pendant l'évolution, la descente de l'âme sur la Terre nécessitait, en fonction du plan évolutif de la planète, des corps physiques différents. Donc, on a eu des races différentes. Mais au cours de l'évolution future, à partir du moment où l'homme va passer à une conscience supérieure, le concept de la race va aussi se modifier, dans ce sens qu'on ne parlera pas de race matérielle, on ne parlera pas du corps physique, on parlera de la conscience mentale de l'homme. Donc, les hommes qui auront une certaine conscience mentale, se définiront par rapport à eux-mêmes et s'excluront aussi par rapport aux races physiques, psychologiques qui existent aujourd'hui sur la Terre. Donc quand on parle de la sixième race racine, on parle d'un autre temps, un autre temps où la conscience humaine va se séparer ou va commencer à se séparer plan matériel. Et cette conscience humaine qui va commencer à se séparer du plan matériel, ce sera la sixième race racine. Okay. Pour résumer, est-ce que, si j'ai bien compris, vous faites une différence entre le phénomène d'une race, comme exemple la race noire, la race jaune, la race blanche, et le principe de sixième race qui pourrait finalement inclure toutes les races, peu importe leur pigmentation physique, mais qui, selon un état mental, pourrait être de la sixième race. Ou bien s'il y a des particularités de la sixième race qu'on vit strictement à, exemple, la race blanche ou la race jaune, je ne sais pas. Non, la sixième race, c'est une race universelle. C'est une race universelle, oui. Indépendamment de la pigmentation physique. Indépendamment de la pigmentation physique. Et ce qui va permettre à cette race de s'établir sur le globe, ce sera par rapport à la capacité des hommes dans différents corps matériels, de se libérer de leur corps. Okay. Donc, la race, quand on parle de sixième race racine, on parle d'une race d'hommes matériels qui auront la capacité de vivre leur conscience au niveau du plan, au niveau du double utérus. Donc, ça sera la caractéristique fondamentale de la sixième race racine. Est-ce que ces êtres de la sixième race vont quand même conserver leur corps matériel? Ils vont conserver leur corps matériel. Et d'ailleurs, la sixième race conservera son corps matériel jusqu'à la fin de son cycle. Et ensuite, il y aura une septième race racine, la dernière de l'humanité. Et au niveau de la septième race racine, l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. Est-ce qu'on pourrait faire un retour en arrière en disant la cinquième race, c'était quoi? La quatrième, c'était quoi? La cinquième race racine, c'est la race qui a permis à l'homme de développer une conscience mentale rationnelle. C'est avec la cinquième race racine que l'homme a commencé à prendre conscience de l'ego. C'est avec la cinquième race racine que l'homme a pris ont commencé à prendre conscience mentale du mystère. Surtout dans la quatrième race racine, les Atlantes, la qualité des Atlantes était qu'ils avaient une conscience astrale très évoluée, dans ce sens que l'Atlante vivait beaucoup plus dans la conscience astrale qu'il vivait dans le monde matériel. L'Atlante avait beaucoup plus contact avec les plans subtils de la Lune que l'homme de la cinquième race racine. C'est ça qui a permis d'ailleurs aux Atlantes de développer toutes les notions de la magie des sphères, les notions du lien psychique entre l'homme animal et l'homme humain. C'est ça qui a permis aux Atlantes aussi, dans un sens, de travailler avec les forces lumières et aussi de travailler avec les forces noires. C'est au niveau de l'Atlantide, de la quatrième race racine, par exemple, que la lutte pour la conscience humaine, pour la conscience. Oui. Si on retourne dans le passé, si on retourne au niveau de la troisième race racine, qui était une race extrêmement faible, une race qui vivait beaucoup plus au niveau de la conscience éthérique, mais au niveau de la conscience éthérique animalisée. Les hommes qui vivaient durant la période de la troisième race racine n'avaient aucun sens de danger. Donc, ils étaient en proie constante au danger extérieur, soit en fonction de ce qui se passait avec les éléments de la Terre, ou en fonction de ce qui se passait au niveau de l'agression animale, ou en fonction de l'agression qui se passait au niveau des types d'êtres humains proto-historiques. Donc, ces hommes-là n'avaient aucun système de défense, et à un certain moment, ils ont été obligés de s'éloigner de la Terre pour poursuivre leur évolution. Par contre, les Atlantes, eux, on peut dire avec les Atlantes que ce sont les premiers hommes qui ont réussi à dompter et à travailler avec la nature. Vous dites que la troisième race a eu à s'éloigner de la Terre, parce qu'il y avait les moyens de s'éloigner de la Terre. Ils avaient les moyens de s'éloigner de la Terre, parce que cette race-là travaillait avec les forces cosmiques. C'était une race qui était en dialogue constant avec l'invisible. La coupure, la rupture entre le cosmos et la Terre n'avait pas été ça. C'est au niveau de l'Atlante, des Atlantes, que la culture était. C'est tout ça qu'on appelait Adam et Ève. Adam et Ève faisaient partie de la culture atlantéenne. Atlantéenne. Les troisièmes races, c'est la Lémurie, je ne sais pas de mémoire. La race lémurienne, c'est une race éthérique. Okay. Mais le corps éthérique des Lémuriens était un corps extrêmement gélatineux. Très gélatineux. Alors que le corps de l'Atlante, c'était un corps très physicalisé. Le corps astral était très développé, et surtout vers la fin de la Confédération atlantienne, à peu près 12 000 ans avant Christ, le corps astral était suffisamment développé pour que les Atlantes aient accès à de la connaissance directement à partir des plans, sans avoir à passer par l'étude psychomatérielle qui est devenue une marque de la cinquième race racine. Il y avait une sorte de communication télépathique. Il y avait une communication télépathique. Ils étaient en communication télépathique avec les forces élémentales. Ils pouvaient se servir des forces élémentales et les commander. C'était une race supérieure dans un sens et c'était une race inférieure dans un autre. Autrement dit, quand les gens parlent, suivant les psychiques ou les médiums ou les gens qui s'intéressent aux sciences ésotériques, ont tendance à se rapporter à la période atlantéenne et à vouloir se remémorer la période atlantéenne. La période atlantéenne a été intéressante dans ce sens, qu'elle a permis à l'homme de travailler avec l'invisible. Pendant la période lémurienne, l'homme ne pouvait pas travailler avec l'invisible, il était soumis à l'invisible, il était assujetti à l'invisible. Il était dans une sorte de conscience totalement lymphatique. Alors que l'Atlante commençait à travailler à partir de lui-même, mais il n'avait pas de conscience mentale égoïque pour se servir de sa science et de rendre l'évolution de sa race à toute épreuve. C'est ce qui a amené la destruction de l'Atlantide. Avec l'évolution de la cinquième race racine, l'homme a pris encore plus conscient de la terre. Le corps mental s'est développé, la fonction intelligente, rationnelle s'est développée. Puis aujourd'hui, nous, les hommes, sur la planète, on est des sous-races de cette cinquième race racine. Le danger ou le problème de la cinquième race racine, c'est qu'elle a été obligée, pour comprendre son évolution, pour comprendre la vie, elle a été obligée de symboliser sa nature mentale. Et ça, ça a été dangereux parce que ça l'a forcé le monde de l'âme de se lier avec l'homme à travers la symbologie, donc à travers les religions, et l'homme a perdu une conscience capable de s'instruire de lui-même. Parce que les religions, à cause de leur astralité, à cause de leur spiritualité, étaient trop puissantes en dogmes, étaient trop puissantes en notions magiques pour que l'individu, lui, puisse contrer les notions des religions. Donc, la cinquième race racine, on peut dire que la cinquième race racine a souffert dans un sens des religions et dans un autre sens, elle en a bénéficié. Alors, tout ça faisait partie de son évolution. Et à la fin de l'évolution de la cinquième race racine, on est arrivé à des notions de la réalité matérielle beaucoup plus pragmatiques avec la science. Par contre, on a perdu les notions occultes de l'invisible. Donc, on est devenu extrêmement égocentrique. On est devenu tellement limité dans notre conscience qu'on a perdu même ce qui restait du contact original avec l'invisible que les Atlantes avaient développé, c'est-à-dire la grande intuition que l'on retrouvait, par exemple, chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Donc, ça a été nécessaire pour que l'homme reprenne possession de la terre. Pour que l'homme se vérifie dans sa propre expérience. Mais rendu à un certain point de cette évolution-là, ou de cette évolution, il faudra que l'homme retourne à la source. Mais lorsque l'homme retournera à la source, et qu'il redeviendra éthérique, il n'aura pas la même conscience éthérique que les Lémuriens avaient. Il aura une conscience éthérique qui sera le produit ou le résultat du développement du corps éthérique des Lémuriens, du corps astral des Atlantes et du corps mental inférieur de la cinquième race racine. Donc l'homme de la sixième race sera un être qui bénéficiera de tous ces principes inférieurs et il pourra allier à ces principes-là l'autre, qui est celui du véhicule éthérique. Donc l'homme à ce moment-là sera complet. Mais il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps éthérique. Autrement dit, il sera obligé de vivre avec son corps matériel. Il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps matériel. Il sera obligé de vivre avec son corps matériel pendant un certain nombre d'années et à un certain moment, là, le laissera pour continuer dans les terres, sortir, ne plus jamais aller à l'astral. Et c'est au niveau de la septième race racine que finalement l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'évolution jupitérienne. Si on regarde Jupiter, si je regarde Jupiter de mon point de vue, Jupiter, c'est une masse de feu qui n'a pas de conscience. C'est-à-dire que c'est une masse de feu qui donne à toute intelligence qui l'habite la programmation atomique dont elle a de besoin pour s'instruire de ce qu'on appelle le feu cosmique. Autrement dit, un homme qui aujourd'hui vivrait sur la planète Jupiter deviendrait en soi une librairie cosmique. Il deviendrait un être total, intégral, omniscient. Et pour que l'homme puisse aller sur Jupiter, pour que l'homme puisse utiliser ses véhicules et vivre sur cette planète-là, il lui faut avoir composé complètement avec ses principes inférieurs. Donc l'homme, d'aujourd'hui, naissant du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et demain du corps éthérique, sera prêt à la fin de l'évolution de la sixième race racine d'aller sur Jupiter, soit en utilisant les transports séraphiques qui sont des vaisseaux de lumière qui sont qui sont créés par sa conscience éthérique, où l'homme pourra utiliser une science plus matérielle pour y aller, mais qui sera obligé d'être dématérialisé lorsqu'elle arrivera dans ce monde-là, et que l'homme décidera pour une raison ou une autre de s'y établir. Mais l'homme ne pourra plus, l'homme ne pourra pas vivre l'évolution jupitérienne comme il a vécu l'évolution terrestre. L'homme ne pourra pas bénéficier d'un corps matériel sur Jupiter, comme il a bénéficié d'un corps matériel sur la Terre. Et la raison, elle est simple, c'est que sur Jupiter, l'énergie est tellement élevée qu'elle ne peut pas permettre que la respiration existe. Donc, un corps éthérique, ça ne respire pas. Un corps éthérique, c'est totalement affranchi de la gravité, et c'est un corps qui peut se matérialiser à volonté, donc qui peut prendre la forme dont il a besoin pour entrer en contact avec différents niveaux de civilisation ou d'intelligence dans le cosmos. Donc, ce sera le véhicule parfait pour l'homme, et l'évolution jupitérienne sera réellement le... ce qu'on appellerait en anglais « the crowning glory of human evolution ». Ce sera la... ce sera la gloire, l'apothéose glorieuse de l'évolution humaine. L'apothéose de l'évolution humaine ne se fera pas sur la Terre, elle se fera sur Jupiter. Mais la finalité, la fin de l'évolution de la conscience humaine se fera sur la Terre dans un corps matériel. Et l'homme va commencer à prendre conscience de la dislocation de son corps matériel au fur et à mesure où il va commencer à sortir de son corps matériel. Donc, sortir de son corps matériel en éthérique, ça va devenir normal, ça va devenir une seconde nature. Mais pour que l'homme puisse sortir en éthérique et que ça devienne normal ou une seconde nature, et qu'il puisse se promener dans le monde normalement, et qu'il puisse identifier la matière comme il puisse identifier les terres, il lui faudra avoir une conscience élevée en vibration, c'est-à-dire une conscience qui n'est plus égoïque. Une conscience réellement supramentale, c'est-à-dire une conscience qui sait, qui reconnaît de façon absolue et sans aucun doute que toute forme d'intelligence vient d'ailleurs. C'est le meilleur cours d'histoire que j'ai jamais eu. Une race, ça dure combien de temps dans notre temps, à nous? Ça dépend. Les races futures ne dureront pas aussi longtemps. La race, la sixième race racine va durer à peu près 2500 ans. Le cinquième... Les anciennes races duraient plus longtemps parce que l'évolution était très longue. L'ajustement des âmes avec le corps matériel n'était pas fixé. C'est réellement au cours de la cinquième race racine que les âmes se sont fixées très bien dans le corps matériel. Au cours de l'évolution des Atlantes, les âmes avaient de la difficulté, surtout au début, de se fixer dans le corps matériel. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mortalité. Donc aujourd'hui, l'homme vit, on sait que la longévité de la vie grandit constamment, parce que l'âme peut se fixer. Il y a moins de mortalité à la naissance. Les Atlantes avaient beaucoup de mortalité à la naissance. Et la raison pour laquelle les âmes avaient des difficultés à se fixer dans le corps matériel, c'est parce que les âmes n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le passage de leur plan au plan matériel. Quand une âme passe du plan astral, elle s'en va vers le plan matériel, elle passe dans un corridor de temps. Ce corridor de temps-là, il a été, au cours de l'évolution de la cinquième race racine, très étudié, très développé. Et aujourd'hui, les âmes passent dans le corridor de temps de façon très facile et elles ressortent ou elles retournent dans ce corridor de temps-là de façon très facile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui de phénomènes de poltergeist, il y a beaucoup moins de phénomènes fantomatiques, il y a beaucoup moins d'âmes qui se perdent dans l'astral et le plan matériel à la mort. Parce que les corridors, le corridor, le tunnel est très formé. Mais durant la période atlantéenne, le tunnel n'était pas encore réellement compris et il y a beaucoup d'âmes qui se perdaient là-dedans. Donc il y a eu beaucoup de mortalité infantile. Le corridor de temps dont vous parlez, est-ce que c'est le fameux tunnel que les gens, en tout cas dans les films, vont parler? Là, le tunnel, là. C'est celui-là. Là. Ouais. Et vous dites que c'est un corridor de temps. Ouais. Donc, vous considérez que le temps est une matière qui compose quelque chose de particulier dans le passage entre l'invisible et le matériel. Là. Le temps sur les plans invisibles. Le temps sur les plans invisibles, c'est... toujours représenté par une dimension de transport. Le temps, c'est une dimension de transport. Toujours. Autrement dit, on ne peut pas, nous, sur le plan matériel, voir le temps comme une dimension de transport. Parce qu'on vit le temps de façon psychologique. Ouais, ouais. Mais, par exemple, les physicistes ou les scientifiques vont vous dire, par exemple, qu'un trou noir, c'est un corridor de temps. Autrement dit, si l'homme ou un vaisseau spatial passait dans un trou noir, il y aurait dématérialisation, il y aurait absorption intégrale à cause de la gravité, et tout. Donc, un trou noir, c'est un corridor de temps. Donc, le temps, dans les autres dimensions, est toujours vécu, expérimenté, comme étant un passage à partir d'une dimension vers une autre dimension. Le temps n'existe pas psychologiquement dans les autres dimensions. Il existe dans notre dimension parce que on pense, mais dans les autres dimensions, la pensée n'existe pas. Est-ce que vous diriez que le temps que l'on vit, qu'on a de la difficulté à vivre, disons, psychologiquement dans certains cas, c'est un problème de passage à une autre vibration ou à un autre état de conscience? Le temps que l'on vit, oui, c'est très intéressant aussi. Le temps que l'on vit dans notre état psychologique, c'est l'empêchement que l'on vit sur le plan mental. Donc, c'est l'empêchement que l'on vit dans la connexion intégrale avec notre double, notre source. Donc, c'est l'absence chez l'homme de puissance mentale, de pouvoir mental ou de volonté créative. Donc, un être qui, dans la sixième race, sera conscient, va se véhiculer par des changements d'état de vibration. Il va se véhiculer à travers son corps éthérique, mais une fois qu'il sera sur le plan éthérique, à ce moment-là, il sera libre d'utiliser son mental, sa conscience mentale pour créer. Il ne pourra pas penser dans le sens que nous pensons. La pensée humaine sur la Terre, elle est totalement réfléchie. Et c'est elle qui donne à l'homme l'impression d'avoir un ego. L'homme, dans la mesure où il a l'impression d'avoir un ego, il se sent. Il se sent être. Par contre, il n'a pas accès à son être. Donc, le problème de la pensée de la cinquième race racine, le problème de la pensée de l'homme de la Terre aujourd'hui, c'est un problème qui est vaste dans ce sens qu'il représente simplement une étape dans l'évolution de la conscience. Il n'est pas un statu quo permanent de la conscience humaine. Autrement dit, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'homme, de façon indéfinie, s'en sera. De la même façon qu'on ne pouvait pas prédire chez les Atlantes que l'homme de la cinquième race s'en serait, de la même façon, on ne peut pas dire chez l'homme de la cinquième race racine que l'homme de la sixième pensera. Parce que, au fur et à mesure où la conscience se greffe à l'infini, ou se greffe à la source, ou se greffe à sa source, ou se greffe à son double, parce que tout être humain a un double, à partir de ce moment-là, la conscience cesse d'être humaine, elle devient transhumaine, c'est-à-dire qu'elle passe dans un autre temps. Donc, le temps de l'homme aujourd'hui, qui est manifesté par sa faculté de penser, sa faculté psychologique, lui empêche ou l'empêche d'entrer dans un temps moronciel. C'est le fait que nous pensons que nous ne sommes pas capables de voir et de rentrer dans l'invisible. C'est le fait que nous pensons que nous ne sommes pas capables de comprendre, de contempler, de travailler, de pulser, de manipuler de façon infinie l'énergie. Parce que la pensée n'appartient pas à l'homme, mais lui croit qu'elle lui appartient. Et comme il croit qu'elle lui appartient et qu'en fait elle ne lui appartient pas, il se coupe naturellement de son grand territoire universel qui existe au-delà du gardien du seuil. Donc l'homme vit constamment à l'intérieur des limites cosmiques qui sont représentées par les mondes en deçà du gardien du seuil, et ces mondes-là sont des mondes astraux. Donc l'homme, c'est un être qui ne vit que par rapport à l'âme, qui se sert de la pensée pour puiser dans l'expérience, afin de façonner pour elle-même des mouvements d'évolution future qui lui permettront éventuellement d'évoluer jusqu'au jour où elle pourra se greffer, se fusionner à l'esprit. Donc, dans un sens, ou si on le regarde d'un point de vue totalement occulte, la pensée humaine fait partie de l'illusion égoïque centrale de l'homme, et elle fait partie de l'illusion fondamentale de sa conscience, et elle lui empêche, ou elle l'empêche de pénétrer dans les mondes supérieurs, et de passer de l'astral à l'éthérique, de passer de la mort astral à la mort vivante de l'éthérique. Autrement dit, c'est pour ça que l'homme est obligé L'homme ne peut pas connaître l'immortalité. Immortalité dans ce sens que l'homme passe du plan matériel, s'en va au plan éthérique, il ne retourne pas à l'astral pour revenir en incarnation sur le plan matériel, pour recommencer encore la même sorte de bêtises ou en parallèle. Donc, l'homme a beaucoup de difficultés au cours de son expérience sur la Terre, dans la phase évolutive de sa conscience, de reconnaître de façon absolue son intelligence, parce que, en tant qu'homme pensant, il n'a pas le droit psychologique de se l'attribuer, pour la simple raison que ses pairs, autrement dit, la société humaine, les nations, la conscience de la race, l'empêcheraient de se présenter au monde comme étant un être total et intégral. Donc, pour que l'homme puisse se présenter dans le monde de façon intégrale, totale, il est obligé de le faire d'abord par rapport à sa source, et une fois qu'il le fait par rapport à sa source, il n'est plus intéressé à le faire dans le monde, parce que déjà, le point d'intérêt de sa science ou de sa conscience a été déplacé vers le plan éthérique, il n'est plus centré ou ne fait plus partie des exigences du plan astral, autrement dit du plan de l'âme. C'est donc pour ça que l'intérêt pour tout ce qui est, je dirais, national ou racial devient pour lui son complexe. Là, vous êtes en train de nous dire que finalement, la pensée nous empêche de voyager, nous empêche d'aller comme... La pensée vous empêche de voyager à un tel point que si l'homme utilisait sa pensée de façon intégrale, il serait capable de se composer un aura éthérique qui deviendrait son propre champ électrique et qui lui permettrait de se créer un vacuum intégral autour de lui-même et de, par sa pensée, se projeter dans l'espace dans n'importe quel domaine du connu ou de l'inconnu. Son corps suivrait. Et son corps, ce serait son corps matériel, son corps éthérique. Et quand il reviendrait sur le plan matériel, à ce moment-là, il réintégrerait le corps matériel. Mais ce corps matériel-là, il s'en servirait simplement pour rester fixé pendant un certain temps dans l'espace matériel de la Terre. Autrement dit, pour s'identifier un peu avec les gens. Donc, la pensée, ce n'est pas simplement de la réflexion. La pensée, ce n'est pas simplement un moyen d'information personnelle. La pensée, c'est à la fois un moyen de désinformation et d'information. Donc, l'homme est un être qui est constamment informé et désinformé. Pour se sécuriser au niveau de la pensée, il a développé la science pour corriger un peu le côté arbitraire de sa pensée. Donc, en développant la science, il a réussi à maîtriser la matière, et ceci, c'est bon. Par contre, de l'autre côté, il s'est empêché de se libérer de son âme pour rentrer dans son esprit. Donc, qu'est-ce que c'est la science sur la Terre? C'est la concrétisation, la matérialisation de la pensée dont se sert l'âme de l'homme ou l'âme de l'humanité pour s'identifier à elle-même. Autrement dit, c'est à travers la pensée que l'homme se tue. C'est à travers la pensée que l'homme retourne à la mort. C'est à travers la pensée ou à cause de la pensée que l'homme meurt. C'est à cause de la pensée que l'homme ne peut pas connaître l'immortalité. Et c'est à cause de la destruction, de la neutralisation ou de l'infinitisation du mental que l'homme pourra finalement retourner à l'évolution, retourner à sa source, connaître l'immortalité, et dans ce processus-là, ou dans ce temps-là, la pensée pour lui n'existera plus. Est-ce que vous dites à ce moment-là que la destruction de l'être et de l'homme par la pensée est due au fait qu'il ne peut pas donner de réponse aux questions qui lui sont soumises dans le mental? Non. La raison pour laquelle l'homme vit la destruction par rapport à la pensée, c'est parce que la pensée, c'est une énergie qui n'appartient pas au royaume de la lumière. La pensée, c'est une énergie qui est régie par les forces des ténèbres, et ces forces-là sont des forces qui se servent de la pensée pour dominer l'homme, c'est-à-dire lui donner conscience presque parfaite qu'il a un ego. Et la conscience d'avoir un ego pour l'homme, c'est pour lui une réussite psychologique sur la Terre. Mais en fonction du cosmos, en fonction de l'invisible, en fonction des autres plans, c'est une fatale dénonciation de son impuissance, et c'est une fatale dénonciation de l'irréalité de sa conscience égoïque. Donc, c'est une coupure entre lui et la source, et c'est l'impuissance intégrale de d'immortaliser sa conscience ou de demeurer conscient infiniment ou indéfiniment après avoir baissé son corps matériel. Donc, Nous, aujourd'hui, avec l'étude de la pensée, l'étude philosophique de la pensée, l'intérêt que nous portons à la philosophie de la pensée, depuis les Grecs, depuis les Égyptiens, les Romains, ainsi de suite, jusqu'à nos jours, nous nous sommes donnés comme être pensants le mandat de nous instruire de notre pensée. Et lorsque nous nous instruisons de notre pensée, nous nous instruisons constamment d'énergie qui viennent du plan astral, donc nous nous instruisons constamment d'énergies qui sont karmiques, donc nous nous amenons petit à petit, d'une façon ou d'une autre, à mourir et à revenir, et à mourir et à revenir. Et un jour, l'homme devra cesser ce mouvement, ce jeu qui fait partie de l'évolution, et il cessera ce jeu lorsqu'il aura une certaine conscience. C'est pour ça que qu'est-ce qui se passe dans le monde, quel que soit ce qui se passe dans le monde, dans l'avenir prochain, c'est sans importance pour l'évolution de l'homme. C'est important pour l'expérience de l'âme. Mais pour l'homme conscient, c'est absolument sans importance parce que l'homme conscient, quel que soit ce qui se passe dans le monde, ne fait pas partie de cette race. Donc, il ne fait pas partie de cette conscience, il ne fait pas partie de ce karma. Donc, si vous me demandez quelle sécurité l'homme conscient a-t-il par rapport à des événements qui, dans un avenir plus ou moins proche, pourraient être réellement terrifiants aux yeux de l'homme, la seule sécurité que l'homme aura, c'est la certitude de savoir qu'il n'a aucun doute. Si vous me demandez d'évaluer ceci, comment peut-on évaluer l'absence de doute? Comment peut-on évaluer la certitude de ne pas avoir de doute? Comment peut-on évaluer la certitude d'être? Comment peut-on évaluer la certitude d'être ou la certitude de la fusion? Je vous répondrai que la certitude de la fusion est dans la fusion elle-même. Dans la conscience des... Autrement dit, l'homme conscient ne peut pas se remettre à questionner et à rejouer le jeu philosophique, psychologique, doctrinaire, didactique de l'homme inconscient. Donc, la preuve pour l'homme conscient, c'est une preuve personnelle à lui seul. Elle fait partie du secret de sa fusion. Et l'homme extérieur, le monde, la conscience de la race, la mémoire de la race, les opinions mondiaux ou des autorités n'ont aucun pouvoir sur cette capacité monolithique de ne pouvoir se diviser en deux, c'est-à-dire entre lumière et ténèbres. L'homme est obligé de ne vivre que dans une perspective infinie, c'est-à-dire dans une capacité intégrale de savoir que ce qu'il sait, c'est ça pour lui. Donc ça, c'est très important, parce que pendant l'évolution, lorsque l'homme a su ou lorsque l'homme a cru savoir, pendant l'évolution, lorsque l'homme a perçu ou lorsque l'homme a voulu percevoir, il a voulu influencer son frère, il a voulu influencer le monde, il a voulu créer des sectes, des organisations, des religions, ainsi de suite. Et l'homme nouveau ne pourra pas faire ça. C'est quand l'homme ancien se mesurait dans ses réalisations. Il se mesurait dans ses réalisations par rapport au succès social de l'expansion de son intuition, alors que l'homme nouveau ne se mesurera que dans la capacité intégrale de supporter l'absence absolue de doute. Donc ce sera un œuvre totale. Ce sera un œuvre personnel, ce sera un œuvre qui transcendra toutes les initiations astrales de l'évolution, et c'est ça qui permettra à l'homme d'entrer dans le secret de cette fusion, d'entrer dans le savoir, et à partir de ce moment-là, de faire, dans le monde, ou sur d'autres plans, ce qu'il a à faire en fonction de sa vibration. Vous êtes en train de dire que cet être-là qui est fusionné n'a finalement aucune mission? Non, il n'a aucune mission. Il est simplement... Avoir une mission, c'est se donner une mission. Avoir une mission, c'est se donner une mission. C'est-à-dire que quand on pense mission, Pense et mission, c'est se donner. On se projette dans quelque chose. Oui, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ça peut être une très grande mission, ça peut être une très belle mission, mais c'est un karma tout de même. Alors que là, qui est fusionné, lui, ou qui est dans un processus de conscience, se débarrasse de la mission. Il ne peut pas vivre de mission. Un être conscient ne peut pas vivre de mission pour 5 raisons. Premièrement, parce qu'il n'est pas intéressé à faire quoi que ce soit qui lui apporte de la souffrance. Donc, c'est évident qu'un homme qui se placerait dans le monde aujourd'hui, dans une perspective de mission, souffrirait. Deuxièmement, l'être conscient ne peut pas vivre l'illusion de la mission parce qu'il n'est pas intéressé à l'homme de l'involution. Donc, il n'est pas intéressé à la cinquième race racine. Il est simplement intéressé à des hommes qui sont dans la cinquième race racine mais qui devront passer un jour à la vie. Donc, il est intéressé simplement à explorer le potentiel de passage du plan matériel au plan éthérique. Troisièmement, il n'est pas intéressé à la mission parce qu'il sait très bien le degré d'inconscience de l'humanité et il sait très bien que les hommes, en tant que conscience collective, en tant que conscience raciale, sont incapables de supporter ce que l'homme conscient sait intégralement. Donc, il n'est pas non plus intéressé à la mission parce qu'il sait très bien que se donner une mission, c'est se donner un statut, une valeur. Et l'homme conscient n'a aucune valeur. Il ne peut pas se donner de valeur parce qu'il n'a pas de capacité réflexive pour mesurer ce qu'il fait par rapport à ce que l'homme reçoit. Il est totalement intégral. Donc, étant intégral et sachant la nature de la pensée, connaissant la nature de la pensée, connaissant les lois de la communication, étant en communication avec des circuits universels qui n'ont aucune valeur humaine en soi, ou qui ne représentent aucune valeur humaine en soi, qui ne sont simplement que des forces créatives, il ne peut pas, lui, en tant qu'ego éclaté, référer à des attitudes psychologiques qui ont fait partie de l'évolution de la conscience de l'homme. Et cinquièmement, il n'est pas intéressé à la mission parce qu'il connaît le temps. Il n'est pas intéressé à la mission parce qu'il sait que dans le temps, il y a tant d'hommes dans le monde qui sont ou qui pourront passer d'une étape de conscience à une autre. Et il sait que lorsque le temps sera venu pour ceci, tout ceci se fera de façon naturelle, normale, facile, par les voies télépathiques et par aussi l'expansion éthérique de sa conscience. Donc, il ne travaille pas dans le temps de la Terre d'aujourd'hui, il travaille en fonction d'un autre temps, et comme il travaille en fonction d'un autre temps, il ne peut pas participer au temps d'aujourd'hui. Il peut se manifester dans le temps d'aujourd'hui, mais il ne participe pas au temps d'aujourd'hui. S'il participerait au temps d'aujourd'hui, il serait impliqué dans le temps d'aujourd'hui. Il serait en politique, il serait en ci, il serait en ça. Il n'est pas impliqué. Donc, il est totalement désengagé. Donc, l'individu qu'on dit de la sixième race, c'est pas évident tant qu'il pense qu'il peut savoir ce que vous dites. Donc, on peut habiter un temps sans vivre de besoin de faire des réalisations ou de créer des réalisations. Pour répondre à votre question, je dirais ceci. Pendant l'évolution, il y a eu des hommes qui nous ont confirmés. Ouais. Donc, nous avons vécu pendant l'évolution le grand cycle de la confirmation. Nous avons été confirmés jusque dans l'Église. Dans l'évolution, l'homme ne sera aucunement confirmé. Il se confirmera lui-même. Et un homme conscient ne peut pas être confirmé de l'extérieur, parce qu'un homme conscient n'appartient pas au temps de l'extérieur. Il n'a pas besoin d'approbation. Il n'a pas besoin d'approbation. Qui va lui donner l'approbation? Donc, ça demande un homme conscient pour parler à un homme conscient. Ça demande un homme conscient pour échanger avec un homme conscient. Ça demande un homme conscient pour comprendre un homme conscient. Donc à ce moment-là, toute la nécessité psychologique de l'ego, tout l'aspect du maître, toute la relation entre maître et disciple, toute l'infatuation mystique du maître, toute l'infatuation occulte, hermétique du maître, toute la grande l'immense présomption du maître est éclatée par la fusion. Oui, parce que finalement... Une personne me demandait un jour, comment puis-je parler sans qu'il y ait d'égo? Et je lui ai répondu, quand tu parleras sans égo, tu ne parleras plus. Tu crieras. Mais l'homme parle ou l'homme jase, donc il ne crie pas. Si l'homme ou lorsque l'homme parlera sans égo, il créera, autrement dit, il utilisera une vibration qui, elle, sera la seule maîtresse de l'évolution, la seule maîtresse des conséquences. C'est la vibration, c'est l'énergie elle-même qui se placera dans l'esprit de l'homme et qui travaillera et qui fera son chemin. Alors qu'aujourd'hui, l'homme, lorsqu'il parle à l'homme ou lorsqu'il jase vers l'homme, il veut placer dans la tête de l'homme des notions pour avoir des résultats. Et c'est une illusion. C'est une illusion. Ça fait partie de son expérience. Je ne dis pas que le maître n'est pas important dans le monde aujourd'hui. Je ne dis pas que le maître n'est pas important dans l'évolution de la cinquième race racine. Mais je dis que le maître appartient à la cinquième race racine et que dans la sixième, il y en a. Ça veut donc dire que l'être conscient, tel que vous le décrivez, lorsqu'il s'exprime vers l'autre, n'attend absolument rien dans le temps de l'autre. Non, parce qu'il est dans un autre temps. Il est dans un autre temps. Donc, si l'autre, un jour, entre dans ce temps-là, à ce moment-là, ce qui se sera passé entre les deux aura fait son petit chemin. Mais c'est la vibration qui fait son chemin. Ce n'est jamais ce que l'on dit qui compte. C'est toujours comment on dit. Et vous avez dit un petit peu auparavant que le temps, c'est un véhicule. Si l'être conscient est dans un autre temps et qu'il parle évidemment à quelqu'un qui habite notre temps immédiat, est-ce que ce n'est pas tendre la main pour l'individu conscient? Est-ce qu'il ne tend pas la main à l'individu inconscient pour traverser dans son temps? Oui. Mais c'est pas un rôle, c'est pas une mission, ça. Ça dépend. Un homme, là on parle de conscience. J'essaie de si je parle de conscience, si je parle de conscience intégrale, si je parle de l'homme conscient qui parle ou qui travaille dans le monde, selon sa conscience, il sera plus dans l'autre temps que dans ce temps-ci. Donc automatiquement, il ne travaillera pas dans le monde avec les mêmes ambitions, les mêmes perspectives, la même subjectivité que l'homme moins conscient. Mais l'homme moins conscient peut percevoir un mandat ou peut percevoir une mission. L'homme moins conscient peut percevoir un mandat et une mission, mais ça fait partie de son expérience. Ça ne fait pas partie de sa conscience. Il n'y a pas de mandat dans la conscience. Pour l'individu qui, dans sa conscience, dans sa fusion... Si vous me demandiez à moi, si vous me demandiez, mais qu'est-ce que vous faites dans la physique, parler pendant des années, écrire des livres, je vous dirais que j'aime ça. J'aime. Si je n'aimais pas ce que je fais, je ne ferais pas. J'aime ça. Donc, vous faites... Je le fais pour moi. Mais comme je le fais d'une façon très expansive, ça sert à l'autre. Mais je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour l'homme, je ne le fais pas pour l'humanité. Je le fais pour moi. Ça fait partie de moi de le faire. Et le jour où je n'aime plus le faire parce que je veux faire autre chose, je ferai autre chose. Mais je l'aurai fait pour moi. Puis ça faire comme vous parlez, comme vous vivez, là. Faire pour vous quelque chose, ce n'est pas de l'égocentricité. Faire pour moi, ça veut dire aimer totalement ce que je fais. Donc, j'aime totalement ce que je fais. Mm-hmm. Si... Sans aucune recherche de mesure vers l'extérieur. Non, parce que ce que je le fais de façon parfaite. Donc, je n'ai pas de mesure et c'est la mesure. Et c'est cette mesure qui fait que je le fais, que je fais, que je continue à le faire et que j'ai la force et l'énergie pour continuer à le faire parce que ça devient très facile. Alors que l'égocentrique, lui, il le fait pour lui, mais il veut avoir une mesure à l'extérieur. C'est ça, nuance? Si l'homme était égocentrique, il le ferait pour lui, mais il le ferait aussi par rapport à l'extérieur, toujours en fonction d'avoir une mesure de réflexion de la qualité de ce qu'il fait. Parce que l'homme, et ça c'est normal, parce que l'homme a besoin d'un feedback, l'homme a besoin d'être élevé, l'homme a besoin, même si c'est un grand maître, il a besoin de savoir que ses disciples le supportent dans son mouvement. Donc c'est normal, c'est naturel. Mais je dis que dans l'évolution de la conscience de l'homme, éventuellement, l'être conscient sera totalement centré. D'ailleurs, la centricité totale de la conscience supramentale, ce sera tellement une grande réalité, qu'il viendra un point sur la terre où l'homme conscient ne sera même plus intéressé à vivre dans son corps matériel. L'ultime centricité, c'est la destruction intégrale, totale, du besoin de vivre dans un corps. Mais pour avoir une ultime centricité, autrement dit, pour pouvoir supporter de ne plus vivre dans un corps matériel, il faut avoir la certitude de passer dans un autre temps. Ou il faut avoir la certitude de savoir qu'on peut passer dans un autre temps lorsque l'on fait la décision. Juste pour dire, psychologiquement, c'est même jusqu'au le besoin de ne plus vouloir être aimé pour être retenu oui, sur le plan matériel. Exactement. Mais la question qui me vient, c'est plusieurs personnes conscientes, parce que j'aime ça voir le futur de la chose, plusieurs personnes conscientes qui se réunissent ensemble pour créer quelque chose, sont finalement des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. C'est totalement... S'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, mais de façon harmonieuse pour que les autres autour d'eux en bénéficient, à ce moment-là, c'est un manque de conscience. Un être conscient, s'il ne fait pas par rapport à lui-même, il le fait pour les autres, il perd de l'énergie. Mm-hmm. S'il est conscient qu'il le fait par rapport à lui-même, pour lui-même, en fonction de ses énergies, de ses besoins, mais de façon créative, automatiquement, il s'harmonise avec l'extérieur. Donc, l'ordre se crée, naturellement. Elle n'est pas stratégiquement programmable. C'est ça. Est-ce que c'est ça qui donne la liberté à un individu conscient? Qu'il existe un ordre? C'est ça qui permet à l'individu conscient de savoir qu'il existe un ordre, parce que l'ordre qui existe, c'est l'ordre qu'il se crée. Mais il faut qu'il le crée, cet ordre-là, et ce n'est pas facile, parce que pour créer cet ordre-là, il faut sortir ou briser l'ancien ordre qui était une forme mécanique d'ordre, de désordre. Le nouvel ordre, si on élimine l'aspect mécanique qui doit revenir à un moment donné, ça devient un nouvel ordre là, qui... Il est totalement... C'est spécial, le nouvel ordre. Il est totalement fluide. Pourriez-vous nous donner un petit peu un avant-goût de cette espèce de nouvel ordre qui n'est pas mécanique? Parce que quand c'est mécanique, ça suit, je dirais, quasiment un agenda. Bon, je vous parle plus. Je m'en allais, j'aurais une petite vitesse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas mon mouvement. Il y a des gens qui comprendraient. Ah, il l'a fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas. Donc, je ne veux pas supporter. Donc, vous comprenez? C'est bon. Moi, je comprends. J'ai d'ailleurs compris, là, quand vous avez fait ça, j'ai saisi comment je vais perdre du poids. Il fait assez chaud. Mais quand je parle de l'ordre, quand je parle de l'ordre, quand je parle de l'homme nouveau, de la conscience, l'homme sera centré. Mais comme c'est un ordre intelligent, il travaille, ce sera toujours intelligent. Il le fera toujours de façon intelligente. Il ne fera pas de façon égoïque, égocentrique. Okay. Il ne partira pas de la salle pour des raisons égocentriques. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a aucune intention. C'est comme un mouvement naturel. Ça peut servir à faire comprendre quelque chose, ou ça peut servir à faire comprendre d'autres choses. C'est un mouvement naturel qui n'est pas pensé, c'est ce qu'on remarque. C'est un mouvement naturel qui n'est pas pensé. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'énergie qui se déplace. Mais à laquelle l'ego est très, très attentif. Donc, ça veut dire que dans un groupe, moi, je regarde tout le temps l'aspect, c'est un peu collectif, dans un groupe d'individus qui sont conscients, il n'y a pas finalement de dépendance, la façon dont vous parlez. Il n'y a pas de dépendance au niveau d'une symbologie ou d'une idéologie quelconque. Il y a une interdépendance créatrice, mais il n'y a pas de dépendance interpersonnelle. OK. Qu'est-ce que vous entendez dans la nuance que vous faites entre une interdépendance créatrice? Une interdépendance créatrice, c'est un lien qui existe entre deux êtres ou plusieurs êtres en fonction de leur créativité pour qu'il puisse, dans un certain temps, se solidariser créativement. C'est le plaisir de vibrer ensemble. Le plaisir de vibrer ensemble qui leur permet, dans différents domaines, de créer ensemble et qui leur permet, dans ces mêmes domaines, de s'instruire ensemble de leur puissance créatrice. Donc, et ça n'a pas de fin. Les hommes qui travaillent dans cette énergie-là, lorsqu'elle est vibrante, c'est la maximalisation du plaisir de l'esprit. Alors que dans la psychologie, les gens, en ayant des attentes, finalement, se créent éventuellement, à cause de leurs attentes, une sorte de répulsion. Quand les gens ont des attentes, vous avez des attentes avec un être conscient, vous allez être déçu, parce que l'être conscient va sentir que vous avez de l'attente. Et si vous avez de l'attente, il va vouloir encore briser, parce qu'il a besoin constamment de s'aérer, de s'aérer, de s'aérer. L'être conscient est très, très éthéréel dans le mental. Il ne veut pas, mais c'est parce qu'il ne peut pas supporter la domination, dans ses moindres formes. Donc, de l'attente, c'est une forme de domination. Pouvez-vous explorer un petit peu? Quand vous dites de l'attente, c'est de la domination. De l'attente, c'est une forme de domination. Autrement dit, si vous m'envoyez une carte de Noël, et que je ne vous envoie pas de carte de Noël en retour, et que vous attendez que je vous envoie une carte de Noël, c'est de la domination de mon temps. Autrement dit, vous partez de votre émotivité, de votre état, même s'il est positif, et vous me l'imposez. Je t'envoie une carte de Noël, mon cher, parce que je t'aime bien, blablabla, je te souhaite la meilleure année, blablabla. Et il y a un mécanisme de réflexe qui veut que moi, je t'en envoie une en retour. Et on n'a pas le même rythme de vie. Je n'ai pas le temps d'écrire des cartes de Noël à 75 000 personnes que je connais. Toi, tu connais 10 personnes. Tu as le temps d'envoyer des cartes de Noël. Tu as des petits bonhommes et tout. Mais moi, je connais trop de monde, donc je ne peux pas. Donc, je ne t'envoie pas de carte de Noël. Je ne m'assujettis pas à ton attente. Ensuite, tu me dis, ah ben, Max, il n'est pas très gentil. C'est ton problème. C'est pas le mien. Okay. Mais pour que moi, je puisse supporter de ne pas t'envoyer de carte de Noël, il faut que je puisse supporter le fait que peut-être tu vas dire que je n'étais pas gentil. Si je ne suis pas capable de supporter que tu dises que je ne suis pas gentil, là, j'ai des problèmes. Le supporter, ça veut également dire, de la façon dont vous parlez, qu'on est appelé à vivre seul à un certain moment donné. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre cette centricité. Donc, celui qui est centrique, il faut qu'il supporte une grande solitude. Celui qui est centrique est un être solitaire. Un homme centrique est un être solitaire. Mais il n'est pas un être solitaire dans le sens ancien évolutif du terme. Parce que d'abord, il a sa fusion, donc il est toujours en communication. Et il a des amis avec lesquels il est en étroite harmonie vibratoire. Donc, il n'est pas solitaire. Mais il est solitaire. Dans sa conscience. Il est solitaire, mais il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Tandis que les êtres psychologiques s'isolent. Oui. Il n'est pas isolé. Bon. Maintenant, si on regarde le fait que dans la pensée de l'individu inconscient, il est, à un certain moment donné, dans une recherche, il est intéressé à passer un stage de conscience. Il en entend parler, soit par des amis ou une conférence comme celle-ci. Son pire obstacle à traverser, c'est quoi? Pour être dans cette centricité dont on parle. Son pire obstacle de tout, c'est quoi? Ça s'identifie par quoi? Il aborde pour la première fois là, ce nouveau langage, cette nouvelle vibration. Son pire obstacle. Ça dépend des hommes, ça dépend des individus. Pour un, ça va être l'orgueil, pour l'autre, ça va être l'insécurité, pour l'autre, ça va être trop de spiritualité, pour l'autre, ça va être trop de bonasserie, pour l'autre, ça va être... Bon, je regarde dans la salle. Si je regarde lui qui a des lunettes, lui, là, bon, je... Lui, dans le cas d'une évolution, son obstacle, pour ainsi dire, serait son incapacité de supporter intelligemment sa sensibilité. Dans ce sens que, quand il est sensible à quelque chose, il a tendance à toujours la remettre en question. Tu comprends? Ça serait son obstacle. Si je prends la jeune fille là qui a une robe mauve, là, elle là, devant vous, son obstacle, elle, ce serait son incapacité de vivre avec sa grande trop grande délicatesse. Donc, sa trop grande délicatesse, sa fragilité, sa cristallinité devient pour elle un défaut parce qu'elle n'est pas capable de bénéficier à la fois d'une grande sensibilité et à la fois le supporter pour en arriver un jour à ce que ça passe de la sensibilité sensiblerie à une sensibilité purement grandiose de perception, ainsi de suite. Comprenez? Ça, ça serait son obstacle. Si je regardais la dame là, bon, son obstacle, elle, ça serait la crainte de faire des erreurs. Vous comprenez? Ça serait son obstacle. La peur de faire des erreurs, pas vouloir faire des erreurs, tout voudrait être sa ligne droite. Ça serait l'obstacle. Donc, chaque homme est différent. Je ne peux pas faire le tour de la salle. Mais chaque être humain a une façon vide de l'obstacle. De toutes ces racines, est-ce qu'il n'y a pas un tronc qui réunit un peu Le dénominateur commun de tout ceci revient au fameux principe de l'insécurité. L'homme égoïque, évolutif, est insécure jusque dans la moelle de ses os. Et l'insécurité, c'est la marque de l'homme inconscient. L'insécurité, c'est une grande marque dans le front de l'homme de l'évolution. Et la conscience supramentale, l'évolution dans la racine, la fusion, l'intégration, le retour à la source, c'est la destruction plus ou moins avancée de cette insécurité. Donc, il y a des hommes qui ont vécu la destruction de cette insécurité dans une fusion instantanée, ça a été mon cas. Il y a d'autres cas, il y aura d'autres cas où des hommes vivront la destruction ou le rapetissement ou la diminution de cette insécurité à travers une instruction, à travers une science qui se manifeste de plus en plus dans le monde. Autrement dit, il y a des hommes qui seront des choses et qui parleront, qui en arriveront à connecter avec ça, ils verront et finalement cette insécurité elle disparaîtra. Mais ce n'est pas une chose qui se passe d'un jour à l'autre. C'est une chose qui est très longue, dans ce sens qu'il y a beaucoup de transformations des corps subtils de l'homme. La fusion, la conscience supramentale, c'est la transmutation des corps subtils de l'homme. Et une chose que je dois dire à tout ceci, c'est que c'est dans la vie de tous les jours que l'homme en arrivera à se conscientiser. Si que l'homme étudie ou que l'homme lise ou que l'homme entende des paroles pendant des années, ça ne va rien faire s'il n'applique pas ceci dans la matière, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que la vie difficile ou le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le travail et tout ça, les amours et tout ça, c'est réellement le laboratoire. Et ce que l'on sait, ce que l'on va chercher d'une certaine source, on doit l'appliquer dans ce laboratoire. Et ceux qui pourront l'appliquer grandiront, ceux qui ne pourront pas l'appliquer abdiqueront. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait considérer le fait qu'une personne qui perd la mémoire, qui n'a plus de mémoire, règle tous ses problèmes d'insécurité? Que si on garantissait à tout le monde l'amnésie instantanée, on perdrait toutes nos insécurités? C'est une question folâtre. Vous avez été intelligent jusqu'ici, continuez. C'est une cruelle, celle-là. Par contre, si on parle de mémoire, il est évident que l'homme conscient perdra de la mémoire mécanique. Mais c'est une illusion. Il perdra, ça fait partie du travail que le double ou l'esprit fera sur l'ego. Il y aura une coupure de la mémoire et l'ego va se sentir un petit peu gêné, un petit peu mal à l'aise parce qu'avant il avait une bonne mémoire. Mais sa mémoire auparavant, elle était bonne, elle était grande et lui donnait l'illusion de l'intellect. Alors que là, à partir du moment où l'homme commence à se conscientiser, le double travaille sur la mémoire et ça se coupe. Et là, on n'a pas la mémoire qu'on avait avant. Et là, l'ego commence à s'inquiéter. Et ça, encore, ça fait partie de l'insécurité de l'ego. Ça fait encore partie de l'illusion de l'homme. Et il y a beaucoup de choses que nous avons dans le tiroir qui ne sont pas nécessaires. Anyway, et lorsque l'homme aura besoin de sa mémoire, je vous assure qu'elle sera très grande, très créative et très expansive. L'homme n'a pas besoin de s'inquiéter de sa mémoire. Par contre, effectivement, si l'homme passe de l'évolution à l'évolution, de la cinquième race à la race racine, il va perdre de la mémoire mécanique et il ne pourra plus être intelligent comme il était avant. Il sera intelligent de façon autre. Et ça, c'est à voir, à revoir demain. Merci, Bernard de Montréal.